Un dîner officiel par Hippolyte Taine. Madame est servie. La maîtresse de la maison se lève avec une certaine lenteur et va prendre le bras du plus qualifié des convives. Celui-ci arrondit le bras, courbe gracieusement le dos, cherche une phrase et trouve un sourire. Cependant, un petit désordre se fait. Les hommes cherchent des yeux une console pour y placer lestement leur chapeau. La politesse et la modestie les tiraillent. Offrirai-je le bras? Ma cravate est-elle bien mise? Passerai-je le second? Passerai-je le troisième? L'urgence se déclare. Trois habits noirs à la fois se précipitent autour d'une jupe. La jupe choisie au hasard et la file commence. À la queue, l'excédent mâle avance, d'un air demi-content, demi-réservé, devant les beaux laquais raides. Ah, qu'ils ont l'air dignes! Qu'ils sont bien poudrés! Quelle tenue d'ambassadeur ou de ministre! J'ai vu des ambassadeurs et des ministres. Les laquais sont mieux. La belle prestance est une portion de leur état. Leur gravité n'a pas d'égal. Mais surtout, ils ont l'organe essentiel, aristocratique, le mollet. Des mollets complets valent en plus 100 francs de gage. Ce mollet blanc au-dessus d'un soulier à boucle reporte l'esprit aux plus beaux jours de Marly et de Versailles. Hélas, si nous relevions notre pantalon, combien d'entre nous, bourgeois desséchés, enflés, déformés, seraient dignes d'être des laquais? Les dames s'asseyent, arrangeant et étalant leurs jupes. Les hommes, discrètement, le lorgnon à l'œil, cherchent à lire leurs noms sur le petit papier blanc qui leur indique leur place. Ils la prennent en saluant et tous, pour éclaircir leur voix, à demi ensevelis sous deux robes. Sur toute la ligne, l'armée des verres et des bouteilles scintille. Chaque assiette a son petit bataillon. Les candélabres jettent par milliers leur clarté blanche sur cet arsenal luisant. Les corsages de soie, les rubans, les diamants chatoient. Un large vase d'azalée et d'arômes lèbes, au milieu de la table, ses panaches surinés et la délicate frange de ses fleurs épanouies. Le petit bruissement des cuillères et des plats s'élève semblable au givre qui grésille contre des vitres. Qu'est-ce que je vais dire à ma voisine? Mon neveu Anatole Durand, qui dîne ici pour la première fois, a l'air empêtré. Il va trop dîner. Dans un quart d'heure, ses yeux seront allumés et ses joues rouges. Il se battra les flancs pour trouver une idée et la couchera d'une sottise. Mon neveu Anatole, à votre dernier bal, après 6 minutes de silence, vous avez dit à votre danseuse, une fine et charmante fille qu'en imagination je vous destinais pour femme, « Mademoiselle, vous habitez Chatou ?»« Oui, monsieur. »« C'est un bien vilain endroit. » Et la conversation en est restée là. « Mon neveu, quand on parle si peu, on doit trouver autre chose. » Moi, je me sens au large. J'ai le porc salé et les huiles. D'un plat ou d'une lampe, je passe aux viandes et au pétrole, et je lâche une ou deux histoires. Ma phrase, une fois attelée, va toute seule comme un cheval d'omnibus qui suit son chemin. Vers le champagne, je décris l'américaine osseuse et puritaine, versée dans la Bible, l'économie politique et l'anatomie. J'établis un parallèle entre cette prêcheuse et qui de droit. On daigne me sourire, et la conscience satisfaite, je me lève pour aller au fumoir. Infailliblement, comme j'ai 53 ans sonnés, ma voisine dira tout haut en rentrant au salon, « Ce monsieur grain d'orge est un peu singulier, mais il est fort aimable. » Au centre de la table est un ancien ambassadeur, sénateur aujourd'hui. C'est le principal personnage. Figure de bois, pas un muscle ne bouge. J'ai remarqué souvent cette expression chez les hommes politiques, surtout chez les hommes officiels. À force de représenter, ils ont acquis l'immobilité d'une figure décorative. Celui-ci ne s'amuse pas, ne s'ennuie pas. Il est là, passif, fixe, vide de sensations, comme un factionnaire dans sa guérite. Ce qui est encore plus beau, c'est qu'il n'a pas d'absence. Sa pensée ne vagabonde pas ailleurs, elle est figée, elle ne s'occupe qu'à maintenir la physionomie à l'état majestueux et le corps à l'état rectiligne. Même, elle ne s'occupe point à cela. L'état rectiligne et l'état majestueux sont désormais des habitudes. Il n'a plus besoin de se contraindre et de s'observer pour y atteindre. La bête prend toute seule l'attitude grave, sans que l'âme ait besoin de s'en mêler. Délivrée de tout souci, l'âme se dispense d'être. Un demi-sourire terne habite uniformément sur les lèvres magistrales. Des rides imposantes descendent le long du nez. Le long visage, nettement coupé, semble celui d'un buste. Spectacle auguste. Véritablement, avec son cordon rouge et sa plaque, il est admirable à voir, surtout à table et whist, mieux encore quand il salue. En ces moments-là, on se demande pourquoi il ne salue pas toujours. Certainement, il ne peut se fatiguer. Ses courbures et ses redressements sont trop parfaits. On n'imagine pas des tendons et une échine si disciplinés, si sûrs d'eux-mêmes. C'est la correction et l'élasticité d'un automate. Ce soir, il a de la conversation. En belles phrases, bien écrites, il cause avec un banquier, son voisin. Des queues de mouton, plat remarquable, fort étudié en Autriche et en Angleterre, mal compris en France, et qui pourtant, après diverses tentatives, a rencontré un interprète convenable dans le cuisinier de M. de Rothschild. Première dame à gauche, une vraie parisienne. Ennuyée d'être à côté d'une bûche diplomatique, elle s'est retournée vers son voisin qui est jeune. 24 ans, 3 rangs de grosses perles dans la coiffure, 2 larges boucles de cheveux retroussées sur les tempes, qui lui donnent l'air le plus fantasque et le plus piquant. Une taille fine, des épaules toujours en mouvement, et la plus légère, la plus mignonne, la plus bruissante rhum lamée et satinée qu'on puisse imaginer. Le nez est un peu long, mais les dents sont parfaites, et ses yeux noirs ont un feu, une verve, une allégresse continue qui illumine toutes ses idées et tous ses mouvements. Sa supériorité consiste dans sa franchise. Elle veut s'amuser, vivre parmi des choses brillantes, et elle l'avoue. Pour elle, la vie ne commence qu'aux lumières, à 11 heures du soir, au milieu des conversations, parmi les parures et l'ondoiements des jupes lustrées, argentées, brodées, qui se froissent et s'étalent sur les poufs roses. 2, 3 soirées chaque soir, 5 ou 6 dîners par semaine, les Italiens, l'opéra, et par surcroît, le bois chaque après-dîner ou les visites reçues et rendues, ce n'est point trop pour elle. Jamais de lassitude ni d'affaissement. Elle est dans le monde comme un navire en pleine mer, en beau temps, à pleine voile. L'envahissement est si fort que toutes les parties de sa pensée ont reçu l'empreinte de sa passion. Les autres jeunes femmes sont hypocrites à l'endroit de la musique. Celle-ci, point. Elle joue du piano et se moque de son jeu. Au lieu de se pâmer devant Beethoven ou Mozart, elle écoute Verdi ou Rossini, et seulement pendant 10 minutes, rien de plus. Un morceau lui plaît comme un sorbet glacé qui occupe agréablement un quart d'heure. Elle n'aspire pas au sentiment, à la profondeur d'une âme incomprise. Toutes les importations allemandes ont glissé sur elle sans la pénétrer. Elle est parfaitement française et du XVIIIe siècle, semblable à cette marquise qui, avant de recevoir un grand général, demandait « Est-il aimable ?» Bien loin de s'incliner gravement, avec componction devant les choses respectées, elle les touche du bout de son ombrelle, regarde une demi-minute, fait une petite moue et passe à côté. Le premier service est fini. Petite pause. Un vague sentiment de béatitude se répand comme un parfum autour de l'âme. On n'a plus faim, mais on peut manger encore. On digère bien et on sent qu'on digérera mieux. L'estomac est la conscience du corps et quand il est heureux, tout le reste le devient par contre-coup. On voit, avec une tranquillité voluptueuse, arriver le second service. On ne réfléchit pas, on ne fait pas de remarques express, mais on sent vaguement le luisant des porcelaines, la gaieté des parures, le moelleux des étoffes, l'arrangement fin et ingénieux de tout le luxe environnant. On s'oublie à regarder une jolie tête penchée, à suivre le scintillement d'un diamant au bout d'une oreille, à contempler longuement quelques riches roses épanouies et posées parmi des cheveux blonds. Tout ce monde cause vivement, sourit, semble dans la joie. C'est ici la vraie fête, l'assemblée solennelle, la plus vénérée entre toutes les cérémonies mondaines, et la vapeur odorante des plats monte en spirale délicate comme l'auguste fumée d'un sacrifice. Quatrième convive à gauche, un gros propriétaire, ancien financier, maintenant député de province, échoué sur un banc de la chambre comme un phoque. Passionné pour le pâté de poisson, gourmet supérieur, il a des serres et fournit des ananas à ses amis. Son voisin, jeune référendaire encore neuf, essaie de l'amadouer, de l'amuser, de l'entraîner dans la politique et la littérature. Il répond peu, et son sourcil foncé semble dire « Cet animal-là, avec ses phrases, m'empêche de sentir la qualité du sauterne. » Une femme de 40 ans, mélancolique. Pas d'emploi, et son nez devient rouge. Qu'est-ce que ce menton rasé, ces favoris noirs au bout de la table ? Ce courtisan de D, il est partout. Professeur suppléant à l'école de droit, long, mince, l'échine courbée, toujours saluant, présenté à tout le monde, faufilé partout, assidu partout, le parfait intrigant. Pas une idée, pas une apparence de talent, ni de conversation, ni de plume, ni de parole, et il arrivera. Il vient ici, comme dans 10 maisons, 2 fois par semaine. Il s'étale devant la cheminée, il va s'incliner devant toutes les femmes, il échange 3 phrases vides avec tous les hommes, il se montre, on le voit. L'idée de sa tête blafarde et de sa forme oblongue se grave à force de répétition dans tous les esprits. Impossible de l'oublier, on l'a trop vu. Il habite dans l'imagination de chacun comme la rebalassière du Barry ou le cicatif de Raphaël. On a beau le juger à son taux, le déclarer nul, on ne peut s'empêcher de l'avoir dans la tête. La maîtresse de la maison le trouve sous sa plume quand, dans sa liste d'invités, elle a besoin de boucher un trou. Le ministre embarrassé entre 2 candidats le rencontrera dans son souvenir comme un encas. C'est un homme commode. Il ne fera pas parler de lui. On peut le nommer sans se compromettre. Il est patient, il sourit bien et longtemps. Il peut rester collé au mur avec bienséance toute une soirée. Il regardera les tableaux. Il fera danser les délaissés. Ses habits sont corrects. Il fait nombre, honorablement, comme une potiche sur une étagère. Prenez exemple, mon neveu Anatole, voilà une graine d'académicien. Une des 10 plus jolies femmes de Paris, la figure la plus régulière, toilette toujours nouvelle. Mais c'est une simple poupée, son mari est un titi élégant. Pas un souci, ils semblent faits l'un pour l'autre, pour aller au bois, pour danser, pour entrer et sortir, saluer, être en visite. Ils envoient 700 cartes au jour de l'an. Elle a tant souri qu'à 28 ans, elle a des commencements de petites rides imperceptibles autour des yeux et des lèvres. Quand je m'approche d'elle, je prévois intérieurement le geste, l'air de tête, la réponse que ma phrase va produire. Tirez la ficelle d'une serinette, vous savez d'avance l'air qui va sortir. Joli sur un pimpant, coquet, qui trottinait sur vos barreaux polis, dans votre cage dorée, près d'une mangeoire bien pleine, votre plumage est lissé, vos mignonnes petites pattes dansent tout le jour et sans fatigue, votre bec attrape d'un air mutin les grains de mil choisis qu'on vous prodigue, votre gosier a son répertoire de petits cris gentils et aigres, et je vous achèterai bien 100 francs avec la cage. Mais je vous aimerais mieux empaillé que vivant. On verse du champagne pour la 2e fois. L'abandon commence. Les chaises se sont un peu déplacées, plusieurs convives s'appuient à demi sur la table. Les conversations se sont engagées, plus familières, plus vives, par 2, par 3, au hasard, en petits groupes. Les valets, inoccupés, la serviette sous le bras, songent à la desserte, et dans le bruit confus de voix qui se croisent et montent, on entend des résumés comme ceci. Gounod n'est qu'un demi-talent. Un grain d'allemand délayé dans une sauce française. Achetez des graisses sacs, ils vont baisser. La vraie queue de mouton ne se mange qu'avec du poivre. Il n'y a qu'un poète contemporain, le comte de Lille. On n'a pas voulu d'Henriette B. aux Français. Il y aurait eu trop de claqueurs à l'orchestre. Ne me parlez jamais de Meyerbeer, c'est du génie, soit, mais cuisiner dans de la patience. Ces rubans vous vont si bien. Il n'y a qu'une taille si fine pour porter des rubans si larges. J'ai eu tort d'accepter une glace, j'aurais mal à l'estomac. Monsieur Thiers est le premier orateur du siècle. Me dînez mon pèse. Allons au fumoir. Hippolyte Taine.